Ofada, Ofada, chez nous y'a que des pirates. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na d'un piranha, compare pas mes eaux troubles avec la piscine de Loana. Sauf si tu m'appelles Edouard, pas Mathieu. Montré pour la gloire à quitter la gare, donc adieu, c'est le feu. Je ne compte plus les hectares de rappeurs qu'on bronzait sous mon chalumeau. Leurs flots ont besoin de Valérie D'Amido. Leurs femmes écoutent mes sons pour soigner leur libido. Quand je te mets en parfum, ça sent le bloc, pas du fido. Dido, dido, baisse le rideau, bidon, oui, lâche le guidon. Le rap c'est jardilandre, j'enchaîne mes râteaux. Mito, arrête de parler derrière mon dos. Et colle-moi un pas gentil MC avant de commentaire sous les mégots. Oui, je sais, c'est trop, mais pourquoi tu triches? Comment ton baggy, mec, on voit ton string. Mon rap c'est Hiroshima. Viens voir un de mes concerts et t'entendras. Et boum, tout le monde lève les bras. C'est le retour de Sopran Baba. Pour mes piranhas. Où sont mes chiens de la classe, mes spartiates de Massilia? Chez les piranhas. Marseille, où vous êtes? Tous les quartiers, qui vous êtes? Que des piranhas. Mais là je ne vous entends pas. La la la la la la la la. Depuis que Pat m'a passé les clés, beaucoup de choses ont changé. J'ai vu la Zouija rentrer en tong dans des boîtes branchées. J'ai vu des fachos fâchés, le top hip hop saccagé, la variété amochée, les grosses postures déchaussées, des tas d'oreilles arrachées, les ongles des MC rongés, toute ma sueur remboursée, ma mère moins fauchée. J'ai vu le disque en danger, la bourse du monde menacée, un noir au pouvoir et Oussama a toujours caché. La chute du pouvoir d'achat, des CDI délogés, des CRS à la charge, des étudiants enragés, des pistons dans les CV, des fils de riches embauchés. Blanche-Neige vend des CD, son main couvert l'Elysée, le Proche-Orient enflammé, l'Afrique toujours affamé. Et nous, on fait la manche avec des Rolex au poignet. Arrête de me jalouser. Hey, t'es tellement en bois que pour avoir de la chance, je devrais te toucher. Boum, tout le monde lève les bras. C'est le retour de Sopran Baba. Pour mes piranhas. Où sont mes chiens de la classe, mes spartiates de Massilia? Chez les piranhas. Marseille, où vous êtes? Tous les quartiers, qui vous êtes? Que des piranhas. De là, je ne vous entends pas. Le beat avec monsieur Eva Langoria. On m'a dit t'as changé, ta sassin m'a trop braqué Ikea. On m'a dit c'est la crise, comment tu fais dans cette guérilla? Mes vibrations sont celles de Katrina, pas celles de Nokia. Vekia, le piranha, Sopran Baba, Flocadiac. Dans les rues de Massilia, pour moi fais la fatiha. Pas la patouha, Angalia, la razia. D'Alon, Vin, Sopra, Essia, de la petite catra. Pas de maquillage, je te lâche nos chimies, chimia. Chez nous y'a que des mia, que des bouillants, que des débrouillards. Envoie les milliards, que demande comment faire une feria. Comoria, mon fusilla, bombe contre les parias. Laisse-moi lâcher la bombe et crie alléluia. Moi, j'oublie pas d'où je viens ni d'où je pars, m'en voulais pas. Si j'ai la dalle, j'ai grandi dans les débarras. Oublie les arts, voilà pourquoi je lâche un flot de cinglés. Prends mon retour comme un combat entre tailles, on est qu'à suscler. Boum, tout le monde lève les bras. C'est le retour de Sopran Baba. Pour mes piranhas.